Est-ce que t'es de ceux qui croient qu'on est pauvre et qu'on restera qu'un mec qui s'en sort sans sport, sans deal, ça restera. J'enforce mon opinion afin de briser tous tes clichés. Je représente cette France qui vient crier derrière tes clichés. J'incarne cette génération élevée au paquet de pâtes. Ça a forgé ma mentalité, je ferai tout pour pas qu'elle parte. Fier de mes racines et de mon passé fluctueux. Réalise tes rêves si t'as la chance, vu que tu peux. C'est ton système que je blâme, car je suis la France annexée. Redouté par les villageois, je fais peur comme un AVC. Prouver que je suis bon face à des cons, je suis constamment à l'essai. Dois-je accepter toutes ces remarques qui peuvent me vexer? Je suis cette France délaissée qui vous donne envie de gueuler. Le 5, les allocs tombent et je te rendrai ta brique de lait. Rythmé par cette date, oui, la CAF fut mon métronome. Un mois c'est long et pour le tenir, fallait être économe. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des acétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés, mec, car les huissiers coupent tes têtes. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des acétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés, mec, car les huissiers coupent tes têtes. Au fil du temps, on peut sombrer dans la déchéance, plonger dans la délinquance, car jugé comme le déchet de France. C'est nous la plèbe, ce que t'appelles la France d'en bas, celle qui a besoin d'aide, mais le train de l'espoir l'attend pas. On est des millions sur le quai, considéré que pour les élections. Tu veux m'avoir? Ok, je veux une MJC et des missions intérim pour les jeunes paumés. Mieux que ça, je veux des diplômés, des formations, des centres sociaux. Nos besoins, tu les connais. J'ai vu trop de frères qui périssent, petites cicatrices qui guérissent. Des mères en pleurs, pour un crédit, un père qui prend des risques, accumule des petits boulots au bout du rouleau. Vas-y mollo, si tu le crois très tôt. Ne plaisante pas avec un prolo loin du triple 6. Ce qui nous tue, c'est le 3x8. On est des types tristes, mais l'usine nourrit ta famille. On sera à l'heure à notre enterrement, devant la faucheuse, en attendant, lutte entièrement pour être devant la pointeuse. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des acétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés, mec, car les huissiers coupent tes têtes. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des acétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés, mec, car les huissiers coupent tes têtes. Ce que c'est qu'un frigidaire, frigidaire. Maintenant tu sais pourquoi je bataille. J'ai rêvé d'un monde meilleur. On m'a tendu un plein. Mais qu'est-ce que tu voulais que je dise de positif sur la planète? Si on a tous une chance, on n'a pas tous le droit de se tromper. Sur le front, je défends l'honneur de la MIFA. Ce que j'ai rien de raconter, c'est la réalité. C'est un hommage à la jeunesse qui a grandi près du vice, dans les quartiers reclus. Le manque de thunes et notre préjudice, quoi. Toi aussi, tu te fais suivre par les vigiles. C'est le poids de la pauvreté, peu importe nos origines. Tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des acétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés, mec, car les huissiers coupent tes têtes. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des acétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés, mec, car les huissiers coupent tes têtes. Que je viens de raconter, c'est la réalité. Et après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine.